Chapitre 42e. 3 semaines environ s'étaient passées depuis que la mort de M. Bastien avait été annoncée. Tant d'émotions violentes et contraires avaient compliqué et rendu plus dangereuse encore la maladie de Marie. Pendant 2 jours, son état avait été presque désespéré. Puis il s'était peu à peu amélioré grâce aux soins du docteur Dufour et aux ineffables espérances dans lesquelles la jeune femme puisait assez de force, assez de volonté de vivre pour combattre la mort. Au bout de quelques jours commença la convalescence de Marie, et quoique cette convalescence dût être longue et exiger les soins les plus attentifs, de peur d'une rechute toujours plus redoutable que la maladie elle-même, toute alarme avait cessé. Est-il besoin de dire que depuis l'annonce de la mort de M. Bastien, David et Marie n'avaient pas prononcé une parole qui fît allusion à leurs secrètes et certaines espérances? Ces deux âmes d'élite avaient l'exquise pudeur du bonheur. Et quoique la mort de Jacques Bastien ne dût être en rien regrettable, David et Marie respectaient religieusement, sinon l'homme, du moins une cendre à peine refroidie. La maladie de Madame Bastien et les craintes que l'on a eues quelques jours pour sa vie causèrent une profonde désolation dans le pays et son rétablissement une allégresse universelle. Ces témoignages de touchante sympathie adressés autant à Frédéric qu'à sa mère, la conscience d'un avenir qui n'avait, ainsi qu'on dit vulgairement, d'autre tort que d'être trop beau, affermirent et hâtèrent la convalescence de Marie qui, au bout de 3 semaines, ne ressentait plus qu'une faiblesse excessive qui l'avait jusqu'alors empêchée de quitter sa chambre. Dès que son état n'avait plus inspiré de crainte, elle avait voulu que Frédéric entreprît les études projetées par David et qu'une partie des leçons eût lieu chez elle, éprouvant ainsi un ravissement indicible à voir réunis sous ses yeux ces deux êtres tant aimés, dont elle avait failli être à jamais séparée. Sa présence à ses leçons lui causait 1000 jouissances. D'abord, l'intérêt si tendre, si éclairé de David pour Frédéric, puis l'ardeur indomptable du jeune homme qui voulait une destinée glorieuse, illustre, pour être l'orgueil et la joie de sa mère, et satisfaire à son ambitieuse envie, dont la flamme épurée brûlait plus que jamais en lui. Il avait été décidé d'un commun accord que Frédéric entrerait d'abord à l'école polytechnique, et que de là, selon son attrait, il suivrait une des nombreuses carrières à lui ouvertes par cette école encyclopédique, la guerre, la marine, les arts, les lettres ou les sciences. Ces quelques mots donneront un aperçu bien incomplet de la félicité céleste, idéale, où durent vivre ces 3 tendres et nobles créatures du moment que la santé de Marie n'inspira plus aucune crainte. Félicité nouvelle pour tous, car lors des heureux jours qui suivirent la guérison morale de Frédéric, la venue de M. Bastien, souvent oubliée mais sans cesse imminente, apparaissait sur ce brillant horizon comme un nuage toujours menaçant. À cette heure, au contraire, aussi loin que pouvait s'étendre la vue de Marie, de David et de Frédéric, ils apercevaient un ciel d'azur d'une sérénité si splendide que sa magnificence infinie les éblouissait parfois. 3 semaines s'étaient donc écoulées depuis l'annonce de la mort de M. Bastien. 2 heures venaient de sonner, Frédéric, aidé de Marguerite et du vieil André, garnissait de perce-neige, de quelques pâles roses du Bengale, d'héliotropes d'hiver et de rameaux de houx ornés de leurs baies de corail, les vases de la cheminée de la salle d'études. Au milieu de cette pièce, un portrait de Frédéric, d'une admirable ressemblance et dessiné au pastel par David, était placé sur un chevalet. Un grand feu brûlait dans la cheminée. Enfin, l'on voyait sur une table les préparatifs d'une simple et rustique collation. Les 3 complices, qui présidaient aux apprêts de cette petite fête, de cette surprise en un mot, marchaient sur la pointe du pied et parlaient tout bas, car il ne fallait pas que Madame Bastien se doutât de ce qui se passait. Ce jour-là, pour la première fois depuis sa maladie, la jeune femme devait sortir de sa chambre et rester durant quelques heures dans la salle d'études. Aussi Frédéric et les 2 vieux serviteurs tâchaient-ils de donner à ce salon un air de fête, et David, à l'insu de Marie, s'était occupé du portrait de Frédéric, portrait qu'elle devait voir ce jour-là pour la première fois. Pendant les mystérieuses allées et venues, Marie était seule dans la chambre avec David. La jeune femme, vêtue de deuil, à demi couchée sur une chaise longue, contemplait dans un muet bonheur David assis à une table de travail et occupé à corriger, ainsi qu'on dit, un des devoirs de Frédéric. Soudain, David, tout en poursuivant sa lecture, dit à mi-voix « C'est inconcevable ». « De quoi s'agit-il donc, monsieur David ? » des progrès réellement singuliers de ce cher enfant, madame. Voilà 3 semaines à peine que nous nous occupons de géométrie, et son aptitude aux sciences exactes se développe avec la même rapidité que ses autres facultés. S'il faut vous le dire, monsieur David, cette aptitude m'étonne chez Frédéric. Tout ce qui est sentiment, imagination, nous semblait devoir prédominer en lui. Et c'est là, madame, ce qui me surprend et me ravit. Chez ce cher enfant, tout obéit à la fois à une même impulsion, tout grandit à vue d'œil et rien ne se nuit. Je vous ai lu hier ces dernières pages, vraiment éloquentes, vraiment belles. Le fait est, monsieur David, qu'il y a une différence frappante entre ce dernier morceau et les meilleures choses qu'il ait écrites avant cette terrible maladie morale qui, grâce à vous, devait amener la régénération de Frédéric. Tout ce que je redoute maintenant pour lui, c'est l'excès du travail. Aussi, je calme, je modère autant que je le puis son avidité de savoir, son impatiente et jalouse ardeur, ses élans passionnés vers un avenir qu'il veut glorieux, illustre, et cet avenir sera le sien. Ah, monsieur David, quelle joie, quelle ivresse pour nous, si nos prévisions se réalisent. Il est impossible de rendre avec quelle expression de tendresse contenue Marie prononça ces mots « nous, nos prévisions » qui seuls révélaient les secrets projets de bonheur formés tacitement par Marie et David. Celui-ci reprit « Croyez-moi, madame, nous le verrons grand par le cœur et par l'intelligence. Il y a en lui une incroyable énergie, encore doublée par cette redoutable envie qui nous attend à l'armée. Hier encore, monsieur David, il me disait gaiement « Mère, quand maintenant j'aperçois au loin le château de Pontbriand qui me rendait si malheureux, c'est un regard d'amical défi que je lui jette. Et vous verrez, madame, si dans 8 ou 10 ans le nom de Frédéric Bastien ne résonnera pas plus glorieusement que celui du jeune marquis. J'ai l'orgueil de partager votre espoir, monsieur David. Marchant entre nous deux, je ne sais pas où mon fils ne pourra pas arriver. » Puis après un moment de silence, Marie ajouta « Mais savez-vous que c'est comme un rêve ? Quand je pense qu'il y a 2 mois à peine, le soir de votre arrivée, vous étiez là, à cette table, parcourant les cahiers de Frédéric et déplorant, comme moi, qu'un voile fût étendu sur l'esprit de ce malheureux enfant. » Vous rappelez-vous, madame, ce silence morne, glacé, contre lequel échouaient tous nos efforts? Et cette nuit, où folle d'épouvante, j'ai couru chez vous pour vous supplier de ne pas abandonner mon fils, comme si vous pouviez l'abandonner. Dites, madame, n'est-ce pas qu'il y a une sorte de charme dans ces souvenirs poignants, lorsqu'on se retrouve en pleine sécurité, en plein bonheur? Oui, il y a là un charme triste. Mais combien je lui préfère les espérances certaines. Ainsi, monsieur David, je vous dirai que j'ai fait beaucoup de projets cette nuit. Voyons, madame. Il y en a d'abord un, très fou, très impossible. Tant mieux, ce sont d'ordinaire les plus charmants. Lorsque notre Frédéric entrera à l'école polytechnique, il faudra nous séparer de lui. Oh, mais soyez tranquille, pour cela je serai vaillante, à une condition cependant. Et cette condition? Vous allez bien rire. C'est puéril, ridicule peut-être. Eh bien, je voudrais que nous puissions demeurer tout près de lui. Et s'il faut tout vous avouer, mon ambition serait de loger en face de l'école, si cela était possible. Vous allez vous moquer de moi? Je ne ris pas du tout de cette idée, madame. Je la trouve excellente. Car grâce à cette proximité, vous pourrez voir notre cher enfant 2 fois par jour. Je ne parle pas des sorties, 2 bons grands jours où nous l'aurons tout à fait. Vraiment, dit Marie en souriant, vous ne me trouvez pas trop mère? Ma réponse est bien simple, madame. Comme il faut prévoir les choses d'un peu loin, je vais écrire aujourd'hui à Paris afin que l'on guette le premier logement convenable en face de l'école et qu'on nous le retienne. Comme vous êtes bon. Bonté bien facile, en vérité. Partagez avec vous la joie d'être rapprochée de notre cher enfant. » Marie resta un moment silencieuse. Puis, des larmes d'une céleste douceur lunant aux yeux, elle dit avec une émotion indéfinissable en se retournant vers David « Comme c'est délicieux le bonheur !» Et ses yeux noyés de félicité cherchèrent et rencontrèrent les yeux de David. Longtemps, leur regard resta attaché l'un sur l'autre dans une muette et divine extase. La porte de la chambre s'ouvrit, et Marguerite dit au précepteur d'un air à la fois souriant et mystérieux « Monsieur David, voulez-vous venir, s'il vous plaît ?»« Et mon fils ?» demanda Marie. « Où est-il »« Monsieur Frédéric est occupé, très occupé, madame, » répondit la servante en échangeant un coup d'œil d'intelligence avec le précepteur, qui se dirigea vers la porte et sortit. « Si madame le permet, » reprit Marguerite, « je resterai auprès d'elle dans le cas où elle aurait besoin de quelque chose. » Ah, Marguerite, Marguerite, dit la jeune femme en souriant et en secouant la tête, on complote ici quelque chose. Comment donc cela, madame? Oh, je suis très clairvoyante. Depuis ce matin, ces allées, ces venues que j'entends dans le corridor, Frédéric absent, à l'heure de son travail, certains bruits inaccoutumés du côté de la salle d'études. Je puis assurer à madame que... Bon, bon, on abuse de ma position, reprit Marie en souriant. On sait que je ne puis pas encore marcher et aller voir par moi-même ce qui se passe par là. Oh, madame, par exemple. Voyons, Marguerite, il s'agit d'une surprise. D'une surprise, madame? Voyons, ma bonne Marguerite, contez-moi cela, je vous en prie. Que je sois heureuse plus tôt, je le serai aussi plus longtemps. Madame, dit héroïquement Marguerite, ce serait une trahison. À ce moment, le vieil André entrebâilla la porte et dit à la servante d'un air aussi très rayonnant et très mystérieux. Marguerite, on demande où est la chose que... qui... Ah, mon Dieu, il va dire quelque sottise. Il n'en fait jamais d'autre, s'écria la servante en courant à la porte, où elle s'entretint quelques moments à voix basse avec André. Après quoi, elle revint auprès de sa maîtresse, qui lui dit en souriant « Allons, Marguerite, puisque vous êtes impitoyable, je vais aller moi-même. »« Madame, y pensez-vous? Vous n'avez pas encore pu marcher depuis votre maladie. Ne me grondez pas, je me résigne, je gâterai la surprise, mais que je suis donc impatiente de savoir. » La porte du salon d'études s'ouvrit de nouveau. C'était David, Frédéric et le docteur Dufour. Marguerite s'éloigna après avoir dit tout bas à Frédéric « Monsieur Frédéric, quand vous m'entendrez tousser derrière la porte, ça sera prêt. » Et la servante sortit. À la vue du docteur, Madame Bastien dit gaiement « Oh, dès que vous voici, mon bon docteur, je ne doute plus du complot. » « Un complot ?» dit Monsieur Dufour en jouant l'étonnement pendant que David et Frédéric échangeaient un sourire. « Oui, oui, » reprit Marie, « une surprise que l'on me ménage. » Mais je vous avertis que les surprises sont très dangereuses pour de pauvres malades comme moi et qu'il vaudrait bien mieux me tout dire d'avance. Tout ce que je puis vous déclarer, ma chère et impatiente et belle malade, c'est que c'est aujourd'hui ainsi que nous en sommes convenus que vous devez tenter de marcher toute seule, pour la première fois, et que mon devoir, oui madame, mon devoir, est d'assister à cet essai de vos forces. À peine le docteur prononça-t-il ces mots, que l'on entendit Marguerite tousser avec affectation derrière la porte. « Allons, mère, » dit tendrement Frédéric à la jeune femme. « Du courage. Nous allons faire une grande promenade dans la maison. »« Oh, je me sens d'une force qui va vous étonner, » répondit la jeune femme en souriant, et se disposant à se lever de sa chaise longue, ce à quoi elle parvint non sans quelques difficultés, car sa faiblesse était encore grande. Ce fut alors un tableau à la fois gracieux et touchant. Marie, debout, s'avança d'un pas incertain, David à sa droite, le docteur à sa gauche, prêt à la soutenir si elle faiblissait, tandis que Frédéric, devant elle, marchait doucement et à reculons, en lui tendant les bras ainsi que l'on fait un enfant qui essaie ses premiers pas. « Voyez comme je suis forte, » dit la jeune femme en s'avançant lentement vers son fils, qui lui sourit avec tendresse. « Où me conduisez-vous comme cela ? Tu vas voir, mère. » À peine Frédéric prononçait-il ces mots qu'un cri effrayant, terrible, poussé par Marguerite, retentit derrière la porte. Puis cette porte s'ouvrit brusquement et une voix railleuse, retentissante, dit en même temps « Minute ! Gros bonhomme, vite encore !» Marie, qui faisait face à la porte, jeta un cri épouvantable et tomba à la renverse. Elle voyait son mari, Jacques Bastien.